Vous savez, si vous courez après le paranormal puis des aptitudes. Moi, j'ai de la misère avec ça, ben franchement. Juste avoir une vie saine puis normale de nos jours, c'est un tour de force. Hein?